sur un tube. J'aurais pu afficher ma gueule avant le journal, après la pub, sur les extraits de Nice People. On aurait fait de beaux voyages, on m'aurait dit vous êtes génial. On aurait vécu sur les plages, je serais primé au festival. Je suis un chanteur qui vieillit, je dis pas que tous mes textes sont pourris. J'en ai bien écrit quelques-uns, qu'ils étaient chouettes et pleins d'entrain. On aurait fait toutes les émissions, mon manager penserait à tout. Promotion, communication, finir les tournées sur les genoux. Moi ce que j'aime c'est chanter dans les bars, même si c'est au bout de la nuit. La sono qu'on démonte le soir, café, concert, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère.